Merci d'avoir patienté. Alors, Paul, oui, j'ai Paul. Alors, vous voulez l'adresse, vous m'avez dit ? Oui, s'il vous plaît. 98 rue Velpeau. 98 rue Velpeau ? V-E-L-P-E-A-U. Ah, d'accord. 92 160 Antony. D'accord. Et est-ce que vous pourriez me donner son numéro de téléphone aussi ? Alors, je vous donne le téléphone 01 52 47 10 09. D'accord, merci beaucoup. Avez-vous une autre demande ? Non, merci. Eh bien, au revoir, monsieur. Au revoir.